Le Parti communiste de la Fédération de Russie, l'Union des partis communistes, Parti communiste de l'Union soviétique, le Parti communiste de Biélorussie, le Parti communiste d'Ukraine, le Parti communiste populaire du Kazakhstan, le Parti communiste de Pridnestrovie et le président du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Zhuganov, ont fait parvenir les présents au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le secrétaire du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Kazbek Taïsaïev, chef du groupe parlementaire d'amitié Russie-Corée de la Douma d'État de Russie et chef de la délégation conjointe des partis politiques de Russie et des pays de la communauté des États indépendants en visite en Corée, les a transmis le 30 mars à Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée. Le même jour, il a offert aussi son présent au dirigeant suprême Kim Jong-un.